tu rêves éveillé. Ce monde est cruel, des jours abîmés pour une seule étincelle. Fini l'innocence, quelque chose t'appelle. Pas d'abri, pas de pays, le vent, entend ta voix. Va chercher la vie, chercheur d'espérance, parmi les débris, dans les avalanches, des jours et des nuits sans question ni réponse. Quand tout semble perdu, le vent, entend ta voix. Dis-moi où se trouve l'accord de guitare, pouvant faire chanter le brouillard de cauchemar, un feedback enragé qui ressemble à ton cri. Dans la foule et l'ennui, le vent, entend ta voix. Je chante aujourd'hui pour celui qui n'est plus, pour lui dire merci du chemin parcouru. M'a dit même sans rêve et sans vision, souviens-toi qu'il y a l'horizon et que le vent entend ta voix. Le vent, entend ta voix. Le vent, le vent, le vent.